L'agonie, chapitre 8. Rome s'éveillait de son pénible sommeil, avec la vision brutale encore aux yeux de l'entrée d'Elagabalus. Ça avait été une fête colossale, roulant sur la ville en furieuse folie, une abominable entrée de l'Asie lascive conquérant Rome par ses femmes nues, ses prêtres du soleil au mouvement suspect de croupe, et son jeune empereur que la multitude désignait de noms infâmes, glorieusement accepté. Dans les bains et les tavernes, sous les portiques ou à l'ombre des rostres, on se remémorait à voix basse cette entrée, dont les derniers tronçons se tordaient encore le lendemain à travers les quartiers populaires, en des souleries dignes des excès de la Gabalus qui étonnèrent les vieux Romains, cependant habitués à des excès d'empereur. Chacun le revoyait, la face vermillonnée, les sourcils peints comme ceux d'une idole, une haute tiara jaune incendiée d'opale, d'améthystes et de chrysolites, une robe de soie traînante, tramée de dessins violents, la première qu'on eût vue, dont les manches lourdes pendaient, conduisant en l'attitude hiératique d'un dieu un char à 16 chevaux blancs, ou sur un autel de pierrerie reposé, tel qu'un phallus, le cône de pierre noire, rond à son sommet. Des syriennes nues, aux attaches des mains et des pieds déliés, dansant au pincement de l'azor babylonien et au frétillement du sistre isiaque, avec des ondoiements brusques de reins et de cuisses, des files de prêtres du soleil simulant l'horreur de l'embrassement mâle, des chars et des civières dorées, lamées d'argent ou d'ivoire torsionnées, d'où, en des cassolettes, brûlaient des parfums, d'où, en des vases très hauts, fumaient des vins rares, et des milliers d'orientaux qui n'avaient pas de ceinture à leurs robes flottantes, dont les sandales molles laissaient voir des bas de jambes nues et lascives, et les joues se bandaient de peau pourpre attachées sous le menton. Un pêle-mêle de sénateurs et de consuls à pied, chantant des hymnes aux principes de la vie, cette pierre noire désormais substituée en son matérialiste symbolisme aux dieux anthropoformisés de l'Occident. Des cortèges d'éléphants, de léopards et de lions enchaînés, des litières sur des épaules d'esclaves noirs aux cheveux dans des résilles d'or, des redas glissant sur leurs quatre roues historiées, des tensas dont le caisson était porté sur deux roues seulement, rapidement filant sous l'attraction d'animaux extraordinaires, onagres, émiones, zèbres et zébus. Des carouquets décorés de choses éclatantes, où s'étalaient, sur des coussins couleur de safran, des femmes de grandes familles romaines, dont les seins bondissaient sous des subuculats de lin, laissant voir des blancheurs de poitrine ou des cuisses pantelantes que, par instant, des hommes venaient baiser. Une tourbe de prêtres de Cybèle, battant des cymbales de bronze et des tambours heurtés avec les doigts, se meurtrissant le sein ou montrant, en des écarts de jambes, des mutilations de sexe toutes fraîches. De pans, ceints d'une ceinture de peau, frappant à coups de sangle des femmes qui s'écartaient en criant. D'Égypte portant Anubis, le dieu à tête de chien. Beaucoup de musiciennes et de musiciens, soufflant, heurtant, battant, piquant, des instruments, ou colossaux, ou exigus. Sambuques hautes comme des colonnes, psaltérions posés sur la tête et joués ainsi. Tibias à un ou plusieurs trous isolés ou doublés, à embouchure simple ou à bec recourbé. Crotales, sistres, cymbales, tambourins, flûte de pan, flûte de corne, flûte de fer, magadi, tamboura, épigognon, kélis, forminx, guitare, variété de lyre. Des nébelles de Palestine et des azores d'Assyrie. Toutes les formes, toutes les mélodies, tous les enchantements, s'envolant sur des rythmes qui paraissaient s'embrouiller, mais qui, à la longue, s'harmoniaient délicieusement. Enfin, des batteleurs et des danseurs de cordes, de jeunes hommes d'allure équivoque, à la chair brune, aux larges anneaux de cuivre pendillant à l'oreille, qui menaient des ours par les narines enchaînées. Des Africains emmenant des chameaux, une multitude innommable et bruyante, parlant tous les langages, coulant en fleuves vivants, par les voies irradiées autour du Capitole. Angles et germains, ibères et ligures, italiques et libyens, numides et éthiopiens, daces, grecs, phrygiens, asiatiques qu'on voyait partout, qui débordaient de tout, ivres d'avoir pris Rome à la suite des Lagabalus, dont le char passait en des clameurs, roulant en tonnerre lointain. Ce triomphe, d'ailleurs, avait conservé son aspect militaire d'entrée impériale, tant la discipline subsistait sous les commotions politiques. Ça avait été d'abord, à l'imitation des triomphes de jadis, une ouverture d'énéator soufflant dans leurs clairons à tubes recourbés. De joueurs de trompettes et de corps de bronze arrondis comme de grands croissants de lune. De buccinators sonnant dans des buccines tordues en spires. Puis, menés par des prêtres à la robe blanche, des bœufs dont les cornes étaient dorées et la tête enguirlandée. Des captifs qui, n'ayant pas voulu reconnaître le nouveau pouvoir, passaient, enchaînés, avec leurs femmes et leurs enfants. Et des lecteurs portant des faisceaux entourés de lauriers, suivis de danseurs vêtus en satyre et couronnés d'or. Ensuite, l'armée entière. Des turmes de cataphractaires et de sagittaires, des manipules de astères, de trières et de principes, au bord desquels couraient les centurions, à la poitrine décorée de phalères de bronze, et leurs étendards jaunes ou pourpres à leur tête. Des auxiliaires allant un pas de charge, les glaives nus, les boucliers relevés. Puis la cavalerie légère et la cavalerie lourde, coiffées de casques de fer ou de cuivre. Des archers partent et des frondeurs crétois, dont une gueule de bête couvrait l'énergique tête brune. Enfin les valets de l'armée et les esclaves frappant des mulets, des chameaux et des éléphants chargés. Les lions et les léopards, par les pattes attachées à des chaînes de fer, étaient poussés à coups de croc, et ils rugissaient, ils miaulaient en des bonds nerveux. Et cela avait coulé dans le tumulte des instruments, les grandes et réitérées acclamations d'un peuple qui applaudissait à Elagabalus pendant que beaucoup le maudissaient. Les fureurs d'individus qui, par instant, frapper des citoyens assez hasardeux pour ne pas vouloir s'incliner devant la pierre noire, oscillant au soleil baisant les pointes blanches des lances, les bords jaunes des boucliers, les mailles bleues des armures, les hampes d'or des étendards, dont les enchevêtrements tranchaient leurs couleurs brutales sur les fonds d'azur du ciel, immuables et durs. Cette gloire d'un empire nouveau visionna tout le jour, comme une mer furieuse, heurtée aux temples, brisée aux portiques et aux angles des voies. Elle monta en triomphe au Capitole, sans plus d'ordre à la fin, emplissant le forum d'une multitude armée, casquée, au ton de violentes chairs desquelles fluait un fort relent de débauches emportées. Indignés, des Romains ennemis de l'Orient, s'était voilé la face. Des matrones coururent s'enfermer chez elles. pour avoir essayé de chasser l'empereur et d'arrêter la marche de la pierre noire, le préfet du prétoire, Julianus, fut égorgé. Du sang coula, et maintenant, chacun se disait que c'était la fin de Rome, la conquête des vainqueurs par ceux que l'on avait jusqu'à présent vaincus.